millors desitjos per aquest Nadal i un pròsper any nou. Nosaltres comencem una nova edició de l'Ala Music. Avui serà un especial de Nadal i amb la música de Los Enfoguers des del seu àlbum Noel Sembla del 2000. Espero que gaudiu d'aquesta música que avui ens portaran ells en diversos temes, no tots els que formaven part d'aquest espectacle, però gairebé. Noel, Nadal, a Hola la Music. Benvinguts, benvinguts. El sol va ser Noel, el sol. Noel, el sol. Dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble. Refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver. Un sapin qui touche le ciel, nous former une guirlande. Et quand tout est qui te sait, qu'une étoile nous attend. Ensemble. Noël ensemble. Joli sapin de mes Noël, mes nuits de neige à guetter le ciel. Vous êtes loin, vous me manquez comme un pays, comme un amour

Oh là là, musique. Un torrent d'étoiles, demain il fera. t'as changé déjà. Pendant qu'on chantait tout ça, demain est venu en douce, et la course ne s'arrêtera pas. Pas plus que la grande ours, pas plus que toi et moi. Dans l'horizon et le

J'ai cueilli une étoile dans la nuit de Noël. Brille chaque pétale en rayon de soleil. J'ai cueilli une étoile aux éclats de vermeil. J'ai pris tous ces pétales pour en faire un soleil. Un âme. Bon Nadal i feliç any nou us desitgem des d'aquest espai, des de Olala Music amb Rafael. Això és Olala Music, el programa de música francesa a la teva emissora. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux lèvent vers le ciel à genoux les petits enfants avant de fermer les paupières font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir il faudra bien te couvrir. Dehors, tu dois avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté. Tu vas pouvoir commencer avec ta botte sur le dos. Le son des cloches et des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sous notre maison. Passer Noël ensemble. Noël ensemble. Passer Noël ensemble. Noël ensemble. Oublie les frontières, dépasser nos querelles. Ce soir nous rassemble. Refuser d'être seul. Revenir à l'enfance. Et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel. Nous former une guirlande. Et quand tout n'est qu'étincelle, qu'une étoile nous attende. Noël. Noël. Ensemble. Ensemble. Assez. Noël. C'est faire la magie des flocons de lumière et les regards remplis de soleil. Quand les nuits se ressemblent, donne-moi une prière. Faire que nos mains se tendent. Noël, Noël, ensemble, ensemble, ainsi. Rendez-vous chaque année en décembre. On sait pourquoi on court quand on cherche l'amour. Quand on cherche l'amour. Doncs del nostre espai en totes aquestes cançons, totes elles de les enfogues amb aquest programa especial de Nadal que us hem portat en Dolala Music, tot pertanyent amb aquest disc que us portàvem des de l'ensemble de l'any 2000, però n'hi ha una que és la que hem guardat per al final, que no en forma part, sinó que pertany amb un altre treball en discogràfic i amb un altre any, també del 2000, la filla del Pare Noel, la noia, la fill del Pare Noel. És aquest el tema amb el qual acabem. Bones festes, ja ho hem dit, feliç any nou, tot el que us vulgueu, tot el que desitgeu, que es faci, si és bo, que es faci realitat. Us deixo amb aquest darrer tema per al programa d'avui i ens retrobem ben aviats a Hola la Música. Gràcies per haver estat amb nosaltres, a reveure. Trouvé au petit matin, tout nu dans mes grands souliers, placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin.